Chapitre 2e. En aucun lieu de la terre, on ne disait de si jolies choses qu'à l'hôtel Rambouillet. Le salon de la marquise était, comme chacun sait, le rendez-vous des beaux esprits de la cour et de la ville, d'où vient que ce salon était appelé le pays de conversation. Il y avait une grâce ou une profondeur incomparable dans les propos de ces messieurs et de ces dames, selon le sujet des entretiens. La vicomtesse d'Auchy, qui avait commenté les pères de l'église, feignait de savoir le latin, et Madame de Rambouillet le savait naturellement sans l'avoir appris. Mademoiselle Paulet et la princesse de Condé, les plus belles personnes de leur temps et que Henri IV avait aimées toutes deux, n'avaient point leur pareil pour dénicher ces termes gaulois qu'elles appelaient de méchants mots. Toutes ces dames enrichissaient le vocabulaire des précieuses d'une quantité de périphrases et de tours ingénieux. On s'inclinait devant les arrêts de ce tribunal, et l'autorité des noms et du lieu était si grande qu'on se serait fait lapider si on les eut traités de sornettes. Cela dura jusqu'en 1659. L'on vit alors un comédien tourner si outrageusement en ridicule le monde précieux, que le prodigieux élan du bien-dire en fut arrêté court, au moment où il n'y avait bientôt plus dans notre langue une seule chose que l'on appela par son nom. Un soir, la réunion était peu nombreuse chez Madame de Rambouillet. Les plus intimes habitués de l'hôtel étaient convoqués pour une causerie familière. On avait choisi, dès la veille, un sujet de conversation car on ne se laissait pas prendre au dépourvu. Il s'agissait de disserter sur la clémence. Chacun s'était mis en demeure d'improviser sur cette riche matière en y songeant d'avance. Quelques-uns avaient écrit des notes dans leur portefeuille afin de ne point oublier leurs réflexions. Je n'entreprendrai pas de rapporter ici les choses sublimes qui furent récitées dans ce huis clos du temple d'Artémis. On y parla de la clémence de telle sorte que si un libraire eût imprimé un juste volume de ses grands propos, il n'eût jamais été possible aux beaux esprits à venir de trouver rien de neuf sur cette matière. Le poète Gombeau parla de cette vertu chez les anciens et cita force exemples, tels que ceux d'Alexandre et de Titus. Vois-tu rencontra les plus délicates nuances et les mots les plus piquants. Des Yvetot s'éleva aux plus hautes considérations. Monsieur de Montausier se montra homme de grand cœur et philosophe. La marquise de Rambouillet loua fort Louis XII d'avoir oublié les injures qu'il avait reçues étant duc d'Orléans, et la princesse de Condé prouva que les rois, régnant par droit divin, se devaient tenir pour obligés à la clémence, afin que cette vertu répondît en eux à la miséricorde divine que la religion nous montre infinie, d'où les plus grands criminels sont autorisés à ne jamais désespérer de trouver grâce. Madame la princesse allait dire encore furieusement de jolies choses lorsqu'elle fut interrompue par l'arrivée de monsieur le duc son fils qui avait à lui parler. Le duc d'Enghien, à peine âgé de 22 ans, uniquement occupé de guerre et doué d'une activité incroyable, se sentait peu de goût pour les dissertations précieuses. Cependant, après avoir dit tout bas à sa mère ce qu'il lui voulait communiquer, il prit part à la conversation. Pour divertir ce jeune prince par des propos légers, à la portée de son âge, la marquise n'insista plus sur le sujet convenu d'avance. Elle consentit à parler d'autres vertus que la clémence, par exemple du courage et de la magnanimité. Finalement, on en vint à citer des traits de générosité de toutes sortes. Madame de Rambouillet raconta l'historienne d'un valet qui était parti pour le Maroc afin de tirer de captivité son maître, prisonnier d'un pirate barbaresque. Ce récit, plus attachant que vraisemblable, fut fort applaudi. Voiture, pour louer la marquise en feignant de la vouloir critiquer, déclara qu'un serviteur si dévoué ne se trouverait point dans tout le domestique du royaume et que l'ingénieux narrateur avait dû puiser cette anecdote dans sa riche imagination. Madame de Rambouillet s'en défendit faiblement. Tandis qu'elle faisait assaut de badinage avec voiture, monsieur le duc prit la parole. Le trait de vertu cité par madame la marquise, dit-il, est le plus beau du monde. Il n'y manque, à mon sens, qu'une chose à laquelle j'attache du prix dans une historiette, c'est le nom de chaque personnage, la date de l'anecdote et les circonstances précises qui donnent au récit la netteté d'une histoire véritable. Puisque vous êtes de loisir ce soir et que je vous vois en humeur de disserter, je vous en puis fournir à tous un sujet en vous racontant un trait de vertu qui n'est point une fable. Je l'ai vu de mes yeux aujourd'hui même. L'héroïne est une petite fille de 12 ans appelée Claudine, qui demeure au village de Saint-Mandé. Monsieur le duc raconta l'historiette du Louis d'Or. lorsqu'il en vint à dire comment Claudine avait pris au sérieux l'ordre de rapporter les 12 livres et toutes les peines qu'elle avait eues à remplir fidèlement sa promesse, il s'interrompit et se tournant vers les dames. « Que pensez-vous, leur dit-il, que j'ai fait en cette rencontre, ou plutôt qu'auriez-vous fait à ma place ?» Madame la princesse n'hésita point à dire qu'elle eût donné tout de suite 10 autres louis à la jeune fille. La marquise assura qu'elle eût pris l'enfant dans son carrosse pour le mener à Paris et l'arracher à sa misérable condition. Mademoiselle Paulet aurait souhaité que cette jeune fille reçût une pension. La vicomtesse d'Auchy lui aurait voulu enseigner elle-même le latin. « Eh bien, reprit le jeune prince en souriant, je pensais tout autrement, et je ne fis rien de tout cela. Ma première envie fut de jeter à l'enfant une bourse remplie d'or. Mais je songeais aussitôt qu'une récompense apprendrait à Claudine le mérite et la rareté de son action. C'eût été détruire l'innocence et la simplicité de son âme en lui montrant le monde si méchant et si corrompu que la probité y passe pour une merveille. Je me reprocherais à cette heure d'avoir porté dans son esprit ce fatal trait de lumière. Cette honnêteté naturelle sera déflorée par l'expérience, il est vrai, mais le plus tard sera le mieux, selon moi, et s'il arrive qu'elle se fixe par un long séjour dans ce cœur enfantin, j'aurais rendu à la petite Claudine un plus grand service en n'ayant pas l'air surpris de sa vertu que si je lui eusse ouvert les mines du Pérou. J'ai donc remis ma bourse dans ma poche et j'ai poussé la cruauté jusqu'à reprendre les 12 livres que j'avais pourtant donnés tacitement. » Les belles dames de l'hôtel Rambouillet trouvèrent en effet le procédé du prince d'une cruauté horrible, mais, à force de disserter, elles tombèrent d'accord sur la justesse des scrupules de monsieur le duc. La marquise se creusa fort l'esprit pour chercher des moyens mystérieux de faire du bien à la jeune paysanne, sans lui dire de quelle main ni pour quelle raison ce bien la venait chercher dans son village. On imagina plusieurs expédients fort habilement ménagés. Mais le lendemain, les précieuses et leurs amis avaient à préparer pour la suivante séance de beaux discours sur la vengeance, sur la piété filiale ou sur quelque autre sujet, et comme ces conversations méditées n'offraient point de rapprochement avec Claudine, on l'oublia. Il faut savoir que M. le duc avait épousé 2 ans auparavant Mademoiselle de Brézé, nièce du feu cardinal ministre, et si jeune qu'elle jouait encore à la poupée. Chez cette princesse venaient beaucoup d'enfants et de jeunes filles, entre autres Mademoiselle de Bouteville, fille du fameux batailleur, et qui fut plus tard Madame de Châtillon, l'une des plus aimables personnes de son siècle. Elle avait alors 16 ans approchant. Madame la princesse étant Montmorency, de même que les Bouteville, tous ses enfants étaient cousins et cousines par alliance ou autrement. Un jour, le duc d'Enghien, rentrant chez lui, surprit ce petit monde jouant à des jeux innocents. Il se mit de la partie et, comme il y prenait plaisir, il s'avisa de dire en riant que les beaux esprits de l'hôtel Rambouillet, avec leur raffinement, l'avaient moins diverti que la main chaude et le colin maillard. Il en vint naturellement à raconter sa visite dans le salon d'Artenis et l'aventure qui avait fourni matière au discours de ces dames. Mademoiselle de Bouteville, qui vaut tant de cœur que d'esprit, se prit incontinent d'une belle passion pour Claudine. Au lieu de se borner, comme les précieuses, à de vaines suppositions, elle voulut voir l'héroïne de l'historiette. Elle importuna Madame de Bouteville avec l'ardeur de son âge, jusqu'à son lui envoyer une femme de chambre chercher la petite paysanne du village de Saint-Mandé. C'est ainsi que Claudine fit son entrée dans ce grand monde. Les promesses de la femme de chambre, Madame Simone, ne manquèrent point de se vérifier. On caressa fort Claudine. On admira son air naïf, sa bonne mine, ses yeux intelligents, et par-dessus tout son bavolet de toile bise qui lui allait à merveille. Mademoiselle de Bouteville se sentit une furieuse envie de se coiffer de ce bavolet. Quand elle l'eut sur la tête, elle voulut aussi essayer la robe de laine, la gorgerette de fil rouge et puis les bas bleus et jusqu'aux souliers à lacets. L'idée vint ensuite à la duchesse d'Enghien d'habiller la petite paysanne en fille de qualité. Pour cela, on fouilla dans les armoires. Parmi ses robes de l'an passé, Madame la Duchesse en trouva une en soie de Naples et presque neuve. Claudine, grande et précoce comme elle était, se trouva de taille à mettre les habits d'une personne plus âgée qu'elle, grâce à la science des habilleuses et aux épingles dont elle fut bardée. On lui accommoda les cheveux au goût du jour. On la couvrit de rubans. On lui prêta des souliers de satin. Et quand elle eut le bras nu jusqu'au coude, les doigts enfermés dans des mitaines et l'éventail à la main, on s'aperçut que sa beauté n'avait point de rival. Gageons, dit Madame de Bouteville à sa fille, que vous n'oseriez point aller en public sous ce costume de bavolette. Vous y seriez éclipsée, ma chère Angélique, et ce serait une leçon profitable que de voir cette petite paysanne remarquée de tout le monde, tandis que nul ne prendrait garde à vous. Partons à l'instant, répondit la jeune fille avec impétuosité. Vous me faites injure en pensant que je serais mortifiée du triomphe de Claudine. Au contraire, j'en serais ravie, et je m'amuserais prodigieusement à voir nos amis détourner les yeux sans me reconnaître. Allons à la place royale, je vous en prie, c'est l'heure où l'on s'y promène. Mon frère mènera Claudine à son bras, et je le suivrai de loin avec ma gouvernante. Le petit Bouteville, plus jeune que sa sœur, accepta la proposition avec joie. Toute la compagnie applaudit fort à ce projet. On fit la leçon à la gouvernante et l'on se rendit à la place royale. Les violons de monsieur y jouaient sous les arbres la plus douce musique du monde. Quantité de dames s'y reposaient. Les jeunes cavaliers passaient devant elles, le manteau sur l'épaule, la rapière au côté, balayant le sable avec les plumes de leur chapeau, en saluant en chaque pas, riant du haut de leur tête, et formant des groupes où l'on s'entretenait du retour de monsieur à la cour, des débuts de sa fille, la grande mademoiselle, et des affaires d'Allemagne, le tout assaisonné d'épigrammes contre les ministres. Le chevalier de Gramont s'y trouvait, qui préludait à ses succès de conversation et de galanterie. Pour les yeux d'une paysanne, ce spectacle était éblouissant. Aussi Claudine éprouvait-elle un plaisir et une ivresse qu'elle n'aurait osé concevoir, pas même en rêve. Il lui semblait qu'une fée l'avait transformée, d'un coup de baguette, en fille de condition, et pour peu qu'elle regardât ses habits magnifiques, le souvenir de sa masure, de son père ivrogne et de son enfance misérable s'effaçait de son esprit, tant les sensations ont de force dans l'âge tendre. La bonté, les larmes et les soins de sa mère résistaient pourtant à l'étourdissement, et le visage doux et flétri de Dame Simone était la seule image qui surnagea dans le passé de Claudine. Au bout de 20 pas, Madame de Bouteville et le duc d'Enghien trouvèrent des gens de connaissance près desquels ils allèrent s'asseoir en faisant signe aux enfants de poursuivre leur promenade. Avec ses 15 ans, le petit Bouteville avait l'air d'un nain auprès de la belle fille qu'il menait à son bras. Il était laid et mal bâti, mais sous ses traits grossiers, on commençait à démêler l'énergie de son caractère. Il se tenait aussi fièrement que s'il eût été plus haut de 2 coudées, et il affectait de parler gravement avec une civilité respectueuse à sa compagne. Claudine, droite comme un cierge, marchait d'un pas dégagé sans être trop embarrassée de ses jupes longues, et montrait en souriant de rangées de perles qui relevaient l'éclat de ses joues colorées comme des pêches. Mademoiselle de Bouteville observait de loin et se cachait le visage dans un gros mouchoir de couleur lorsqu'elle rencontrait une personne qui la pouvait reconnaître sous son déguisement. Enfin, les 3 enfants jouèrent si bien leurs personnages que les passants y furent pris, les uns en s'écartant pour faire place à la demoiselle inconnue, les autres en ne daignant pas baisser leur regard jusqu'au bavolet de la fausse paysanne. La tour de la place royale n'était point achevée lorsque Mademoiselle de Bouteville entendit 4 gentilshommes, dont était M. de Candale, demander d'où venait ce joli minois promené par le petit Bouteville. 3 de ces messieurs confessèrent qu'ils voyaient cette jeune fille pour la première fois, mais M. de Candale se serait cru déshonoré s'il n'eût pu dire le nom d'une personne de qualité. « Je la connais parfaitement, » s'écria-t-il sans hésiter. « Et je m'étonne que vous ne deviniez point qui ce doit être. » Mais quand on lui demanda le nom, il chercha, maugréa contre sa mémoire infidèle, jura qu'il ne connaissait autre et promit de se le rappeler avant la fin de la promenade. Le duc d'Enghien, qui entendit cela, mit M. de Candale au défi de lui dire le nom, et en le voyant courir d'un groupe à l'autre pour s'enquérir de ce maudit nom sans le pouvoir découvrir, M. le duc se tenait les flancs de plaisir. Pendant ce temps-là, le petit Bouteville et Claudine s'arrêtèrent devant un tas de sable où jouaient des enfants. Tout près d'eux se trouva un gros militaire dont le ventre, sortant d'une cuirasse, retombait jusque dans ses bottes évasées. Son baudrier dessinait une large zone sur le globe de sa personne, et son rouscol lui montait jusqu'aux oreilles. Ce vieux militaire portait l'habit de major du régiment du Royal Italien. Il regarda du coin de l'œil les 2 enfants debout auprès de lui et salua le jeune Bouteville d'un air obséquieux. Il appela ensuite un garçon de 15 ans plongé dans le sable jusqu'aux chevilles et qui se divertissait de tout son cœur. « Mon fils Thomas, » dit le major, « n'avez-vous point de honte à jouer avec des enfants? Venez ça, présentez vos respects à M. de Montmorency Bouteville et à cette belle demoiselle. » Le fils Thomas, encore essoufflé de ses jeux, obéit aux ordres de son père avec la gaucherie mêlée de franchise d'un écolier qui ne sait point son monde. « Vous ne serez pas souvent, » reprit le père, « en si bonne compagnie, car vous allez mener avec moi la vie des camps et manger le pain du soldat. Profitez donc de l'occasion. Faites votre cour à cette aimable demoiselle. Allons, mon fils Thomas, soyez galant, mordieu. À votre âge, je ne m'endormais pas sur la paille ou sur le pré sans rêver à quelque jeune fille. Ce n'est pas que je vous autorise à élever si haut vos prétentions que de faire le soupirant auprès d'une personne comme mademoiselle. Mais au moins faut-il témoigner que l'on sent l'honneur de fréquenter avec des gens de qualité. Sans cela, on ne vous croirait point, gentilhomme. » Et le major tâcha d'adoucir sa voix de stentor pour ajouter, en regardant Claudine, « Souffrez, belle demoiselle, que je sollicite pour mon fils Thomas l'avantage de se déclarer votre serviteur. Il se nomme Desrivier. Je suis Jacques Desrivier, major au nouveau régiment de Mazarin, levé par décret du 27 mars 1642 aux frais du grand ministre qui gouverne aujourd'hui la France. » Claudine allait sans doute répondre qu'elle n'était point demoiselle, mais bien une pauvre paysanne de Saint-Mandé, lorsque le petit Bouteville lui serra le bras et lui fit signe de poursuivre une comédie qui commençait si bien. « Ma foi, dit le fils Thomas, je ne sais trop ce que c'est que d'être votre serviteur, mademoiselle, mais si vous m'en accordez le titre, je m'en tiendrai pour fort honoré. » « Puisque monsieur votre père le désire, répondit Claudine, je vous accepte volontiers pour mon serviteur, à condition que tout ceci ne sera qu'un badinage. » « Monsieur Thomas Desrivier, dit Bouteville, vous allez sur mes brisées, car je suis plus ancien que vous en date. Mais il n'importe. Je consens que vous fassiez votre cour à mademoiselle, afin qu'elle puisse compter deux serviteurs au lieu d'un. » « Bon cela, dit le père. Voilà prendre galamment une rivalité. Mon fils Thomas se peut donc flatter de faire amitié avec vous, monsieur de Bouteville. » « Assurément, monsieur. Il se souviendra de cette heureuse journée. On en parlera en mon château Desrivier. » Car j'écrirai la relation de cette rencontre à ma femme. Je pourrais dire à mon colonel, monsieur le marquis d'Anisy, que mon fils Thomas et moi nous sommes amis de monsieur de Bouteville. » C'était là le fond de la pensée du major, mais en bon courtisan, il s'empressa d'ajouter « Et tous deux serviteurs de mademoiselle de... Claudine Simon, » dit Bouteville. Le major s'inclina d'un air pénétré, persuadé qu'il entendait un nom illustre. « Mon fils Thomas, » reprit-il, « demandez à baiser la main de mademoiselle. » L'écolier déposa un gros baiser sur les gants parfumés de la jeune fille. « Pour cette fois, s'écria le père, vous êtes engagés tous deux. N'allez point renier mon fils, mademoiselle. » « Ne craignez rien, répondit Claudine, jusqu'à ce qu'il le renie lui-même. « Mordieu, reprit le major, je lui couperai les oreilles plutôt que de s'offrir une pareille félonie. » Mademoiselle de Bouteville, qui écoutait cette conversation et observait ce manège, courut en avertir sa mère et le duc d'Enghien. Le prince ne se sentit pas d'aise. Il voulut aussi jouer son rôle dans ce divertissement. Il s'avança vers le major en feignant de le reconnaître. « Eh !» lui dit-il, « n'est-ce point monsieur Desrivier que je vois ? Je vous salue, major. Vous êtes du régiment de Royal Italien. Ce garçon est sans doute votre fils Thomas, que vous destinez à la carrière des armes. Quoi ? S'écria le major. « Votre Altesse nous connaît. » « Je connais tous les braves militaires et leurs lignées. Votre fils Thomas est un galantin, à ce qu'il me paraît. Ne l'ai-je point vu baiser la main de mademoiselle Claudine ? Il a raison de débuter de bonne heure. Une balle impériale peut briser le fil de ses amours. » « Votre Altesse est d'une bonté qui me confond, » reprit Desrivier. « Mademoiselle accepte en effet mon garçon pour son serviteur, mais sans porter atteinte aux droits plus anciens de monsieur de Bouteville. » « Fort bien, » dit le prince. « Bouteville était inscrit le premier. Eh bien, puisque la demoiselle a deux galants, il faut deux maîtresses à votre fils Thomas. Je veux lui en bailler une de ma main. » Il la prendra sur votre parole, monseigneur, et les yeux fermés. Venez donc, Angélique, reprit le duc d'Enghien. Je vous ai trouvé un amoureux dans le régiment de Mazarin. Monsieur Desrivier, voici la seconde maîtresse de votre fils Thomas. Ce n'est qu'une simple bavolette, mais hélas, où s'en bavolette toutes sortes de vertus et de l'esprit comme un démon. L'amitié d'une grande demoiselle sera utile à votre fils Thomas. Il est juste qu'en revanche, il accorde sa protection à une pauvre fille. En votre qualité de père, vous ferez du bien à ma protégée, n'est-ce pas, Desrivier ? Monseigneur, reprit le major en balbutiant, l'honneur que votre Altesse daigne me faire, sans aucun doute, je voudrais pouvoir... Nous ne sommes point riches, monseigneur. Point riches, interrompit le duc, mais ambitieux et passablement courtisan. Fille, Desrivier, point militaire, cela n'est guère généreux. Vous imaginez-vous par hasard qu'on vise à votre bourse et qu'on vous demande l'aumône ? Puisque je protège cette bavolette, elle n'a pas besoin de vous. « Je plaisantais, monsieur, et je mettais votre noblesse d'âme à l'épreuve. » Et se tournant vers mademoiselle de Bouteville, le prince ajouta « Je vois que ce galant chevalier vous accepte pour dame, parce qu'il n'ose me refuser, ma pauvre Angélique. » « N'insistez point, monsieur le duc, dit la fausse Bavolette. « Ce badinage est assez mortifiant pour moi. Je me souviendrai de cet affront, monsieur Thomas. »« Ne pleurez pas, » reprit le duc d'Enghien. « Je vous trouverai un autre amoureux. »« Hélas, » dit Angélique en feignant de pleurer, « c'était celui-là que j'aurais souhaité. » « Voilà qui est sérieux alors, » murmura le prince. « Monsieur des Riviers, accommodons-nous. Voulez-vous fiancer votre fils? Je me charge de lui. » Le major fit une grimace de possédé. « Monseigneur, ce serait pousser la plaisanterie un peu loin. Considérez, mon cher, que de ces deux jeunes filles, l'une est de telle qualité que votre garçon ne saurait prétendre à sa main. L'autre, à la vérité, est d'une condition au-dessous de la vôtre. Mais, en se mariant, on élève sa femme jusqu'à soi. Si messire Thomas déroge à la haute naissance des Riviers, je l'en récompenserai quelques jours. Qu'il choisisse donc entre les deux jeunes filles. S'il prend l'une, ce ne peut être qu'une plaisanterie. S'il se détermine en faveur de l'autre, ce sera tout de bon et j'en ferai mon affaire. Tenons-nous-en où nous sommes, monseigneur, et que le badinage commence et demeure badinage. C'est votre dernier mot? Le dernier, monseigneur, bien décidément. Comme il vous plaira, reprit le duc. Je vais donc vous expliquer l'énigme. Cette jeune fille, habillée en babolette et qui a suivi au mépris, est ma cousine, Angélique de Montmorency-Bouteville. Cette autre, vêtue en personne de qualité, est une petite paysanne du village de Saint-Mandé. Sa mère vendait du lait à la porte Saint-Antoine. Ma femme, qui joue encore à la poupée, s'est amusée ce matin avec d'autres enfants à tous ses déguisements. C'est donc d'une véritable bavolette que votre fils se déclare le serviteur. Mais il est entendu que ceci est une plaisanterie et que vous m'avez assez mal fait votre cour. Adieu, major. Des Riviers, les yeux ronds et la bouche ouverte, se tira la barbe d'un air qui signifiait « J'ai commis une bévue en voulant jouer de finesse. Le prince s'est moqué de moi et je perds sa protection que je pensais conquérir. » Le duc d'Enghien, enchanté de sa mystification, ne manqua point de l'aller raconter au promeneur. Il se donna aussi le passe-temps de railler M. de Candale sur sa prétention de tout connaître, en sorte qu'au bout d'un moment on ne parlait que des deux jeunes filles et de leur travestissement. Les uns s'avisèrent tout à coup de la gentillesse de Mademoiselle de Bouteville sous son bonnet de toile bise, les autres admiraient le bon air de la paysanne. Claudine se vit encore fêtée par une foule de dames et de seigneurs inconnus, et puis, l'engouement et la curiosité s'éteignant, on ne fit plus attention à elle. Thomas Riviers, qui la guettait de loin, vint l'aborder. « Mademoiselle, lui dit-il, vous me feriez une injustice si vous pensiez que je vous ai recherchée pour vos beaux habits. Je vous aimerais autant bavolette que grande dame. Vous m'avez accepté pour serviteur avec l'approbation de mon père et de monsieur le duc. Je le suis sérieusement. Je m'y engage de nouveau et je vous demande un peu d'amitié en échange de mon dévouement et de mon respect. Vous savez qui je suis, dit Claudine. Je le sais et je ne changerai point de sentiment lorsque vous changerez de robe. Vous êtes la plus jolie et la plus aimable fille que j'ai rencontrée. Je veux être votre fiancée, s'il est possible, et vous épouser quand vous serez plus grande et que j'aurai gagné mes éperons à l'armée. Si la proposition vous convient, « donnez-moi la main, en gage de votre foi. »« De tout mon cœur, » répondit Claudine, « recevez ma parole. Nous serons mari et femme, et en vous attendant, je prierai Dieu qu'il vous protège à la guerre. » Thomas des Rivières pressa la main de la jeune fille d'un air solennel et s'enfuit en courant. À quelques pas de là, était assise sous les arbres une dame d'une beauté incomparable. Sur ses habits, on ne lui voyait des pieds à la tête que des dentelles et des perles. Cette dame fit signe à Claudine d'approcher, et lui dit d'une voix douce et harmonieuse comme le gazouillement d'une fauvette, « Mon enfant, ces gens-là vont faire de vous la fille la plus malheureuse du monde. Ils s'amusent de vous comme d'un jouet. Ils vous régaleront de crème et de fruits et n'oublieront qu'une chose, de vous donner le nécessaire pour retourner avec moins de peine dans votre maison. Demain, monsieur le duc ira au camp, madame de Bouteville à son château, ses enfants à d'autres jeux, et vous retomberez dans votre village où vous retomberez votre pauvreté plus amère qu'auparavant. Je n'ai point ma bourse sur moi. Prenez ce bracelet. Vous direz à votre mère de l'aller vendre chez maître Cambrai, orfèvre au pont du change. Cela vaut quelque argent. Madame, répondit Claudine, je garderai plutôt ce bijou comme un souvenir de vos bontés. Il me portera bonheur. Non, mon enfant, vendez-le. C'est la vertu qui porte bonheur, et je sais que Dieu vous a donné ce trésor-là. Continuez à vivre honnêtement. Au moins, reprit Claudine, étonnée du ton singulier de la dame, « vous plaît-il de me dire qui je dois un pareil présent ?»« Quel besoin avez-vous de savoir mon nom ? Je préfère que vous l'ignoriez. Regardez-moi bien seulement. Et si vous tombiez dans quelque détresse, venez me chercher sous ces arbres. Si je ne meurs pas avant cela, vous me trouverez ici. Mettez le bracelet dans votre poche et ne parlez de ceci à personne. » L'air mystérieux, la beauté de la dame, sa magnifique parure et sa générosité, produisirent sur l'effet de Claudine une vive impression. Elle obéit au commandement de l'inconnu, lui fit une révérence et s'éloigna, persuadée qu'elle avait eu commerce avec une princesse. Pour terminer dignement la partie de plaisir, Madame de Bouteville emmena chez elle les enfants, écoliers et jeunes filles, qui voulurent accompagner Claudine. On leur servit un cadeau, comme on appelait alors une collation, et le héros de Rocroi en daigna manger sa part. Quand la nuit vint, la bande se dispersa. Claudine reprit ses habits de paysanne et redevint bavolette. On lui donna tout ce qu'elle put porter de fruits et de friandises. Elle glissa furtivement le bracelet de perles fines dans la pochette de son jupon. Le duc d'Enghien, la voyant chargée des restes du cadeau, dit à Madame de Bouteville « Vous me l'avez gâtée, ma cousine. Cette petite fille va s'imaginer que, pour avoir été honnête une fois en sa vie, on mérite toutes sortes de chair et d'honneur. Encore une bonne action, et quel sera son étonnement de ne pas se voir appelée à la cour ?» Claudine, entendant cela, rougit jusqu'aux oreilles. « Monsieur le duc, dit-elle avec vivacité, me croyez-vous donc une ingrate? Comment ai-je eu le malheur de vous donner une si méchante opinion de moi? Je n'avais fait que mon devoir, et je le ferai encore à l'avenir, sans souhaiter d'autre récompense que le souvenir de vos bontés. Ma foi, j'en tiens, s'écria le prince. Cette petite en sait plus long que moi. Adieu, mamie, je vois bien que mes conseils sont inutiles. C'est moi qui t'en demanderai, s'il arrive que mes yeux ne distinguent pas clairement le chemin de l'honneur. Bah, n'oublie point que nous sommes une paire d'amis tous deux. » Le duc d'Enghien souleva la jeune fille entre ses bras et la pressa contre sa poitrine avec tant d'impétuosité que les fruits et les gâteaux roulèrent sur le pavé. Le carrosse était prêt et la femme de chambre attendait. Il faisait nuit noire quand l'équipage s'arrêta au village de Saint-Mandé, devant une masure sans fenêtre. L'ombre d'une femme se dessinait sur la porte éclairée par la lueur d'une chandelle. Claudine sentit deux mains chercher ses mains. Elle se jeta dans les bras de sa mère, et au bout d'une heure, la petite bavolette, couchée sur son grabat, entre des murs lézardés et de misérables ustensiles, témoin éloquent de sa pauvreté, prenait cette journée pour un songe charmant, et le retour pour un affreux réveil. Sa douleur allait éclater, quand le sommeil la surprit si brusquement que la première larme s'arrêta comme une goutte de rosée au bord de ses paupières.